trouve encore des journalistes pour nous dire que ce que Boisclair a fait, c'est pas grave. Hein? Puis on en trouve beaucoup, puis on en trouve souvent, puis on en trouve encore, puis on va en trouver beaucoup. Imaginez ce qu'on aurait fait si Boucler avait été fédéraliste. Jean-Louis Roux aspirait à une fonction honorifique car il avait rêvé d'encourager les arts au Québec, lui qui est un artiste, un comédien, un vieil artiste, un vieux comédien. Mais le seul, probablement, membre de l'Union des artistes qui avait voté non au référendum. Le seul. Et Jean Chrétien avait dit, il va faire le honneur aux Québécois, on va le nommer lieutenant-gouverneur. Ça fait qu'ils ont nommé Jean-Louis Roux, puis là, il y a quelqu'un qui s'est aperçu que 45 ans plus tôt, pendant un après-midi, il avait écœuré le monde en tant que jeune étudiant à l'école en mettant une croix gammée qu'il avait dessinée avec un crayon de cire, parce que les crayons de feu n'existaient pas, sur sa manche de chienne de laboratoire, une croix gammée, au moment où, au Québec, on s'inquiétait du nombre de Québécois qui étaient favorables à Hitler. Et on avait plus qu'on pense, surtout dans le clergé puis autour du clergé. Alors, quand on a découvert ça, vous vous rappelez, on a déchiré notre linge et on a dit, un homme qui a fait une farce plate il y a 45 ans peut pas être lieutenant-gouverneur du Québec. Et Jean-Louis Roux avait démissionné. Depuis ce temps-là, on a nommé Mme Oreo gouverneur général du Canada avec un mari dont les relations d'affection sont parmi les terroristes qui ont tué Pierre Laporte. Mais ça, c'est pas grave. Elle est séparatiste. Elle est à Radio-Canada. Donc, on a éliminé Jean-Louis Roux en lui disant qu'il n'était pas digne d'avoir une fonction où il décide rien. À rien, rien, rien, rien, rien. Lieutenant-gouverneur, c'est bien juste s'il décide de quel bord il va attacher ses souliers le matin. Pendant ce temps-là, un chum de la même gang décide de devenir chef du Parti québécois. Et ses ennemis du Parti québécois révèlent que quand il était ministre du Parti québécois, il prenait de la cocaïne. Et là, pour aider la cause, pour aider le chum, parce que c'est un séparatiste, les journalistes viennent nous dire que c'est pas grave. Il a arrêté. D'abord, on n'a aucune preuve qu'il a arrêté. Nous. Mais il a arrêté. D'abord, une bonne façon de savoir s'il a arrêté, ce serait de demander à M. Boisclair d'aller passer un pipi olympique, juste pour voir. Puis après ça, on dira, OK, il a arrêté, mais c'est pas mieux, tu sais. Mais là, non, non, non, c'est pas grave. Je lis encore dans les journaux de ce matin des bons péquistes qui ont voté oui au référendum, des bons syndicalistes, des bons socialistes, la gang, là. Ceux qui contrôlent les médias, ceux qui contrôlent une partie du gouvernement, ceux qui ferment les stations de radio, quand on n'est pas de leur gang, mais que on peut faire ce qu'on veut quand on est dans la bonne gang. Michel Proulx, tu vas voir, il est encore à la radio, puis ça s'en vient. Ça va se réhabiliter tranquillement. Quand t'es dans la gang, t'es dans la gang. Quand t'es pas dans la gang, t'es pas dans la gang. C'est comme ça une tribu de primitifs. On décide pas qui a raison par rapport à ce à quoi on croit. On décide qui a raison par rapport à qui c'est notre chum. Ben, le Boisclair, il veut être premier ministre. Il veut faire l'indépendance. Mais on dit encore dans les journaux, c'est pas grave, René Lévesque est un coureur de jupons. Il prenait un coup, puis il veillait tard le soir. Courir les jupons, c'est pas criminel, à moins que ce soit des petites filles mineures, n'est-ce pas? Puis qu'on les paye. Veiller tard le soir, que je sache, c'est pas un crime. Puis prendre un coup, c'est pas un crime à condition de pas avoir conduit. Donc, c'est pas grave. Pierre Trudeau faisait le clown. C'était probablement un homosexuel clandestin. Et que je sache, il y avait rien d'illégal là-dedans. Puis là, on ramasse, on dit que Winston Churchill, durant la Deuxième Guerre mondiale, était un alcoolique. Churchill, c'était un ivrogne. Puis, il buvait, c'était un buveur de scotch et de cognac. Et on dit qu'il a passé à peu près la guerre entre deux vins. D'abord, il s'en est jamais caché. Deuxièmement, il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Comment peut-on associer le cognac de Churchill avec la cocaïne de Boisclair? Boisclair qui est de toute évidence un menteur, qui nous fait croire qu'il est allé à Harvard, alors que le mieux qu'il a fait, ça a été acheter un cornet de crème à glace à côté du campus. Il n'y a aucune indication crédible que Boisclair a suivi des cours, passé des examens et obtenu un diplôme. Mais aucun journaliste, tous ceux qui ont voté oui au référendum, n'est allé vérifier. Aucun. Il y en a même qui pensent que durant le temps où il était censé étudier à Harvard, il était en fait en cure de désintoxication de cocaïne. Mais ça, c'est pas de vos affaires. Je continue à dire que ça est caractéristique d'une tribu primitive où les choix de la société ne sont pas objectifs, mais bien soumis à la subjectivité de « c'est qui mon chum? C'est qui est dans ma gang? C'est qui pense comme moi? Lui, il a raison, même si c'est un criminel. » By the way, acheter de la cocaïne, c'est un crime. Posséder de la cocaïne, c'est un crime. Utiliser de la cocaïne, c'est un crime. Et ne pas révéler l'identité des criminels qui nous vendent de la cocaïne, c'est un crime également. Qui fait l'enquête? La Sûreté du Québec? La GRC? La police de Montréal? Moi, je pense qu'on devrait donner ça à la police de Lévis. Maude, l'ouvrage pour vous! Vous connaissez Kate Moss? Une de ces chicots qui présente des robes parce que c'est un mannequin professionnel. Kate Moss, là, elle peut penser ce qu'elle veut, on s'en crie, ça parle pas. Kate Moss, elle peut faire ce qu'elle veut, on s'en fout, on est pas là. Kate Moss, on la voit quand elle monte sur un stage puis qu'elle nous montre des robes. Puis préférablement, les robes qui en ont le moins possible, avec les plus grandes économies de tissu possibles, de manière à ce qu'on puisse apprécier que Kate Moss est plutôt, genre, comment dirais-je, beaucoup la trouveront extrêmement mignonne. Moi, je la trouve trop maigre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, tout le monde est maigre. sauf les dames du Walmart qui ont à peu près mon gabarit, mais ça, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Alors, Kate Moss, elle est dans la merde. Elle veut pas être maire de Londres. Elle veut pas être députée ou à la Chambre des communes. Elle a aucune ambition politique. Elle veut juste promener ses sont à moi, en nous montrant des belles robes sur des runways. Et faire la moue avec son chum quand elle se fait photographier. C'est juste ça, Kate Moss. C'est un beau cul, avec des beaux yeux, arrangé sur une gang de cure-dents. Avec des nichons petits comme ça. Ti. C'est que si tu passes ta main vite, tu sens rien. Elle a pas d'ambition, Kate Moss. Et c'est une personne relativement insignifiante, Kate Moss. En tout cas, elle change rien dans votre vie. Ce qu'elle peut changer, c'est que si elle devient trop populaire, elle peut inspirer votre grande fille à devenir anorexique. Les fillettes veulent être des Kate Moss. Mais avec la quantité de chips qu'ils regardent, puis Star Academy qu'ils mangent, puis les Star Academy qu'ils regardent, ils vont toujours être boulottes. On est en train d'élever une génération de petites boulottes. De petites boulottes déplaisantes. Mais c'est pas grave, ils vont tous rentrer dans la police. Maude! Alors, Kate Moss est dans la... Elle est dans la marde. Savez-vous quoi? Il paraît qu'elle aurait pris de la cocaïne. Elle a perdu sa job. Message de Daniel. Il faut aller au palais de justice aujourd'hui, dans les salles de cour où des gens comparaissent pour possession de cocaïne, et se lever et lire les éditoriaux des péquistes des journaux qui disent que c'est pas grave, juste pour voir la face du juge. Bonne idée, ça. On prend les articles qui ont été publiés dans tous les journaux péquistes, ou dans, par tous les péquistes des journaux, puis Jean-François Bertrand, puis Claude Charron. Sais-tu que, comme brochette d'ancien ministre déchu au Parti québécois, il commence à être solide, ils sont tous homosexuels, ceux qu'on pogne. Comment ça, donc? Y a-t-il de quoi qu'on a oublié de vérifier dans cette organisation-là? On s'en va avec toute cette documentation-là au palais de justice, vous apportez vos photocopies, et à chaque fois que quelqu'un comparaît pour avoir vendu de la cocaïne, possédé de la cocaïne, financé des opérations de cocaïne, n'importe quoi, là, tout est motard, puis toute la gang, là, OK? Par exemple, ce qui s'est passé à Saint-Bernard, là, le kilo de cocaïne qui a servi à un meurtre de Luc Lachance par un dénommé, semble-t-il, saucier, là, ah, on ramasse tous ces dossiers-là, là, puis toute la gang, on s'en va se présenter au palais de justice pendant qu'on a encore le droit d'y aller. Puis chaque fois qu'il y a une cause qui est appelée devant le juge, on se lève et dit « C'est pas grave, monsieur le juge, le Soleil l'a dit, la presse l'a dit, le Devoir l'a dit, TVA l'a dit, Radio-Canada l'a dit, RDI l'a dit, c'est pas grave, Bouclair, c'est pas grave. » Bois-Clair. Pourquoi je l'appelle Bouclair tout le temps? Peut-être parce que je pense à des rideaux de douche. Ou des machines à coudre, des draperies. Juste pour voir la tête du juge, imaginez la gueule du juge quand il va... On va passer la cause là de saucier qui a tué Lachance en fin de semaine à Saint-Bernard là, pour une transaction de cocaïne. On va dire, on a vérifié avec le Parti québécois puis ses amis dans les journaux, monsieur le juge, puis vous vous inquiétez pour rien, c'est pas grave la cocaïne. Je voudrais juste voir la gueule du juge. Juste y voir la tête. Voici la dépêche de l'agence Reuters, R-E-U-T-E-R-S, qui est probablement, dans le monde occidental, l'agence de presse la plus crédible. Elle n'appartient pas au gouvernement britannique, contrairement à l'agence France Presse, qui est un outil de propagande française, ou à la presse canadienne, qui est un outil de paresse syndicale. Et le titre, c'est « Police Probe Kate Moss Drug Claims ». La police vérifie les informations relatives à la drogue dans le cas de Kate Moss. Moss a été photographié dans un journal britannique, supposément en train de prendre de la cocaïne avec son ami de cœur, la vedette Pete Doherty. Qui ça, ben, dit ça, Pete? Un chanteur. OK. Il est connu comme étant une tête de coke, lui? OK. Donc, elle se tient, Kate Moss, avec... OK. Ben, se tient tout proche. Mais c'est un gars et une fille, ça. OK. Pete Doherty, c'est un homme? Ah, d'accord. Donc, Kate Moss se tient avec un homme qu'elle a peut-être même marié. Qui sait? Peut-être même qu'ils ont eu des relations charnelles. Qui est un accroché de la cocaïne. Tantôt, je vous parlerai de Luc Doré. Des parallèles sont saisissants. Et voici l'article que je traduis à mesure. La police britannique se prépare à investiguer des rapports journalistiques qui indiquent que la super mannequin Kate Moss a pris des drogues illégales. Et ça a été confirmé, le projet d'enquête, par Scotland Yard, mercredi. C'est-à-dire à matin. L'assistant commissaire Tariq Ghafur a revisé le dossier et a demandé à des enquêteurs du bureau spécialisé en crimes organisés de vérifier ce qui a été publié par les journaux, selon une porte-parole de Scotland Yard. Ça, c'est quasiment Sherlock Holmes. L'enquête arrive après que le journal Daily Mirror est publié des photos de la mannequin de 31 ans qui, selon le journaliste, nous la montre en train de sniffer de la cocaïne. Est-ce qu'on dit sniffer? Et avec quand tu roules un billet de 100$, là, puis tu fais un rover avec, là, c'est un aspirateur, là, en train d'aspirer de la cocaïne, en train d'inspirer de la cocaïne, en train de boitleriser de la cocaïne. Les policiers disent que, par contre, que cette enquête-là aura besoin de plus que des photos de journaux avant d'aboutir. Mardi, la gigantesque compagnie suédoise de mode Hennes & Mauritz annulait la campagne de publicité qui allait commencer, étant donné que ça mettait en vedette Kate Moss. On a annulé une campagne de publicité d'une des plus grandes maisons de mode au monde après que Kate Moss ait été décrite comme une aspiratrice de cocaïne en compagnie de son boyfriend. Jusqu'à maintenant, Moss a toujours démenti avoir pris des drogues dures, mais elle n'a pas commenté les prétentions du journal Le Daily Mirror. La compagnie Hennes & Mauritz, qui a congédié Moss, dit qu'elle a pris sa décision après avoir eu une conversation avec Kate Moss, qui, elle, a exprimé des regrets, mais aucun autre détail n'a été publié par la maison de mode. H&M, compagnie, a décidé d'annuler la campagne de publicité mettant en vedette Kate Moss. La compagnie veut prendre le plus de distance possible des drogues et depuis des années est engagé dans un programme de prévention de la drogue dans le milieu de travail en collaboration avec la Fondation Mentor. Donc, des gens qui croient à la prévention de la drogue éliminent de leur publicité une fille qui a été associée avec la cocaïne et la cocaïne de son boyfriend. On va vous parler de Luc Doré tantôt. Après avoir revisé toute la situation, l'entreprise de mode H&M a décidé que la campagne publicitaire mettant en vedette Kate Moss était incompatible avec le rejet clair des drogues qui est la politique de cette entreprise. C'est pas un parti politique, ça. Ils veulent pas gouverner la Suède puis l'Angleterre, H&M. Ils veulent juste vendre de la guenille. Et le simple fait que leur porte-parole ait été vu en train de sniffer de la cocaïne, même s'il n'a jamais admis avoir sniffé de la cocaïne avec son boyfriend Pete Doherty, on va vous parler de Luc Doré tantôt, ça suffit à y faire perdre sa job. Dehors. Madame Moss, on ne sait pas comment on va faire pour se passer de vous, mais à compter de lundi matin, on va essayer. Les apparences charmantes de Madame Moss se sont retrouvées sur la couverture de magazines innombrables. Elle avait été découverte par une agence de mannequins alors qu'elle n'avait que 14 ans, qu'elle allait à l'école, et elle est devenue depuis une des personnalités les plus faciles à reconnaître de toute l'industrie de la mode. En 1998, elle avait été admise à la clinique Priory de Londres, un endroit où on a traité plusieurs célébrités aux prises avec des problèmes de drogue et d'alcool. À l'époque, on avait dit qu'elle souffrait d'épuisement. Moss a été embauchée par la société Hennes & Mauritz, pour être aux premières lignes de la présentation de la collection d'automne qu'a été dessinée par Madame Stella McCartney. Elle a aussi des contrats avec plusieurs autres compagnies de cosmétiques et de mode, et jusqu'à maintenant, tout le monde refuse de commenter. elle aurait gagné l'an dernier, par ce genre de contrat, la somme de 7 220 000 dollars américains. Elle vient de perdre sa job dans une entreprise respectable qui est contre la drogue, parce qu'elle a été photographiée en train de faire quelque chose qui ressemblait à de l'aspiration de cocaïne par le nez, en compagnie de son ami de cœur, Pete Doherty. Dehors. Pendant ce temps, hier, ça nous a échappé, mais dans la saga de Boisclair, on arrive à Luc Doré. Luc Doré, D-O-R-A-Y, c'est le chef de cabinet de Boisclair quand Boisclair était ministre de l'Emploi. Or, Luc Doré, le chef de... Il n'y a pas de personnage plus proche d'un ministre que son chef de cabinet. Regarde, il voit habillé, il voit tout nu, il voit heureux, il voit malheureux, il voit le matin, il voit le midi, il voit le soir, il téléphone. Le chef de cabinet, d'ailleurs le terme anglais pour un chef de cabinet est beaucoup plus descriptif, c'est pas un chief of toilets. Le chef de cabinet d'un ministre, c'est le chief of staff. C'est le responsable du personnel du ministre. C'est le gars qui dispatche les jobs du ministre. C'est le gars qui encadre le ministre. C'est le gars qui organise la vie professionnelle du ministre et très souvent sa vie personnelle. C'est pas rare de voir un chef de cabinet de ministre qui va devenir un peu le lien entre le ministre et sa femme. Il sera pas là à soir, là. C'est lui qui prépare et qui surveille la rédaction des discours du ministre. Un chef de cabinet, c'est un alter ego. C'est un pareil à soi-même. C'est un gars qui est, de règle générale, plus jeune, ou une fille, plus jeune, plus futé, plus travaillant que le ministre. Mais qui reste dans l'ombre. Si vous avez une marionnette, le chef de cabinet, c'est le castelier. C'est celui qui a les doigts dans la poupée, puis qui a fait bouger, puis qui a fait parler. Ça, c'est un chef de cabinet. Rappelez-vous Mario Bertrand, qui était le chef de cabinet de Bourassa. C'est lui qui incarnait la virilité dans le bureau. Rappelez-vous de Boivin, le chef de cabinet de René Lévesque. Si vous réglez pas Calis, on va régler à votre place. Vous rappelez-vous quand il avait dit ça à l'Hydro-Québec au sujet de la chicane avec la FTQ sur le saccage de la baie James, puis que René Lévesque avait obligé Hydro-Québec à ramasser la facture de la FTQ pour les millions de dollars de saccage qui avaient été faits par la FTQ Construction? C'était Boivin, le chef de cabinet de Lévesque, qui est allé d'en face d'Hydro-Québec, puis qui avait dit, vous allez régler Calis ou bien je vais régler à votre place. Et ainsi de suite, un chef de cabinet, c'est un alter ego du ministre. Or, je reviens à Luc Doré. Kate Moss, elle a été surprise en train de sniffer de la coke avec son boyfriend, son mari, Pete Doherty. Boisclair avait comme chef de cabinet Luc Doré. Et Luc Doré a plaidé coupable en 2001 à des accusations de fraude atteignant 30 000 dollars aux dépens du gouvernement, fraude commise dans le bureau d'André Boisclair et pour lesquelles il s'est engagé à rembourser l'argent qu'il avait volé au gouvernement pendant qu'il travaillait pour André Boisclair comme chef de cabinet. Il l'a jamais fait. L'excuse de Luc Doré, le chef de cabinet de Boisclair, pour avoir volé 30 000 dollars d'argent des taxes pendant qu'il était à côté de Boisclair, dans le bureau à côté, and by the way, c'est le ministre qui signe les comptes de dépenses de son chef de cabinet. C'est une exception à la loi du Conseil du Trésor, si je me rappelle bien. J'ai déjà été chef de cabinet, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais si mon souvenir est bon, le chef de cabinet fait signer ses comptes de dépenses par le ministre. L'excuse de Luc Doré pour avoir volé 30 000 $ au gouvernement alors qu'il était dans le bureau d'André Boisclair, c'est qu'il était dépendant à la cocaïne. On parle d'un milieu d'homosexuels, le bureau d'André Boisclair. Est-ce que c'était le chum André Boisclair dans le temps? Ça n'a jamais été mis en preuve. Est-ce que M. Doré, comme beaucoup de personnes, a une femme et des enfants à la maison? Je ne le sais pas. M. Luc Doré ne répond pas aux questions cette semaine. Je lis l'article de la presse d'hier sous la signature de Denis Lessard. Luc Doré avait plaidé coupable en 2001 à des accusations de fraude totalisant 30 000 $, des gestes entraînés par sa dépendance à la cocaïne. Il était chef de cabinet du ministre Boisclair, alors à l'emploi, lorsque le contrôleur des finances avait découvert le poteau rose. Tenant compte de la thérapie suivie par M. Doré et de sa conduite, le juge avait donné une peine réduite, 8 mois de travaux communautaires, et ce vétéran péquiste de Montréal avait conservé son emploi à la ville de Montréal. Récemment, le ministère de la Justice a réactivé le dossier en réclamant le remboursement convenu il y a 4 ans que le gars n'a pas fait. Il n'a pas remboursé. Quant à Doré, quand Denis Lessard l'a appelé, il dit « J'ai rien à dire et j'aurai aucun commentaire ». Est-ce qu'on vient de rencontrer le pocheux? La police de Londres, Scotland Yard, fait enquête sur un mannequin insignifiant qui s'est fait pogner à sniffer de la coke. Quand est-ce que la police du Québec va faire enquête sur André Boisclair, sa consommation, sa possession, ses achats et ses relations avec les pocheux? Monsieur le ministre, si vous saviez ce que je sais. Hey! Allez relire les éditorialistes au Québec depuis une semaine. Allez réécouter les homosexuels déchus du Parti québécois comme Charon et Bertrand. Allez les réécouter, prendre la défense de Boisclair en disant « c'est pas grave ». Et demandez-vous pourquoi c'est grave en Angleterre qu'un mannequin sniffe de la coke? Puis qu'elle va être enquêtée par Scotland Yard. Pourquoi c'est pas grave, André Boisclair, quand on sait que son chef de cabinet a volé le gouvernement pendant qu'il était sous l'autorité d'André Boisclair? Est-ce que André Boisclair était trop gelé pour voir les fraudes qu'il y avait dans son bureau? Il veut administrer la province, il était pas capable d'administrer son ministère. Est-ce que son chef de cabinet et lui étaient tellement affectivement engagé que l'un pouvait pas surveiller l'autre? Est-ce que le chef de cabinet d'André Boisclair était le fournisseur? Si c'est le cas, des tractations de drogue ont-elles eu lieu au Parlement? J'ai de la drogue pour toi, André. Tu sais, la cocaïne que tu m'as demandé, je l'ai. Mais viens! On va aller sur les plaines se l'échanger. Faut pas faire ça au Parlement. De quoi on parle? L'excuse du chef de cabinet d'André Boisclair pour être un fraudeur dont les victimes ont été les payeurs de taxes, c'est la cocaïne. Comment André Boisclair peut-il dire que c'est pas grave, qu'il n'a jamais pris au bureau? Est-ce qu'il faudrait croire, alors, que M. Doré a rien à voir avec la cocaïne du ministre, que le ministre savait pas que Doré en prenait, puis que Doré savait pas que le ministre en prenait? Parlez avec des gens qui ont été dans la cocaïne, ils vont vous dire qu'autour d'eux, ils connaissent tous les consommateurs. Parce qu'un consommateur, c'est un revendeur. Parlez-leur. Est-ce qu'il faudrait croire qu'au Parlement, quand Boisclair était ministre, son chef de cabinet, Luc Doré, savait pas que son ministre consommait, et le chef de cabinet savait pas que son chef de cabinet consommait, que un savait pas que l'autre consommait. Puis chacun de leur côté passait leur soirée à essayer d'en trouver. Yeah! Ouh! Knock, knock, knock. Qui va là? C'est la réalité. Pas belle, hein? Je me demandais pourquoi je mêlais toujours Boisclair puis Bouclair, mais c'est simple. C'est parce que chez Bouclair, ils vendent du ruban à la verge. Hier, André Boisclair s'est choqué contre les journalistes qui s'entêtent à lui poser des questions. C'est drôle, j'ai pas encore entendu de questions sur Luc Doré, son chef de cabinet cocaïnomane, moi, et employé de la ville de Montréal, et fraudeur. Puis, voici un homme qui dit que au bureau, il n'y avait pas de cocaïne, mais son chef de cabinet a été obligé d'aller en thérapie. Quant à Boisclair, rappelez-vous, à un moment donné, il avait dit « J'abandonne la politique, je m'en vais à Harvard étudier ». Maintenant qu'on sait que le gars, il a la piqûre, qu'il veut être chef du Parti québécois, rétroactivement, croyez-vous ça qu'il voulait quitter la politique, vous autres? Je m'en vais à Harvard étudier, puis ensuite je vais travailler dans des agences à Montréal. Je veux plus rien savoir de la politique. Fanny! Vous rappelez-vous de ça? Comment ça se fait que Radio-Canada fait jamais jouer ça? Ils ont des belles archives, eux autres. Moi, il y a une chose qui me fascine. D'une part, une rumeur à l'effet qu'André Boisclair n'est pas allé à Harvard pour vrai, qu'il est allé se faire désintoxiquer à Boston de son habitude de cocaïne. Or, hier, les journalistes anglophones ont commencé à questionner Boisclair. Il a étudié à Harvard. Et il a refusé de répondre en anglais en disant qu'il n'était pas capable. Ça fait que s'il est allé suivre des cours à Harvard, mais qu'il n'est pas capable de répondre à une question en anglais, est-ce que je dois conclure que Harvard a des cours en français? Est-ce que je dois conclure que c'était des cours par correspondance, puis il y avait le temps de les faire traduire? Ou qu'il y a, des petits logiciels, là, que tu reçois un e-mail, puis tu pèses sur le piton, puis il ressort en français, là? Comment expliquer qu'un gars qui avait abandonné la politique pour étudier à Harvard revienne de là en politique? Soudain, la politique, c'est correct, mais incapable de parler anglais. Il a pas dû comprendre grand-chose durant les cours, hein? Y a-t-il fait ses examens en anglais? Ou il a fait ses examens en français? André Boisclair est probablement une fraude sur deux pattes. C'est-à-dire quelqu'un qui ment, qui se ment à lui-même, qui ment aux autres, parce qu'il a besoin d'une image. Il y a tellement de cadavres dans son placard, ou du moins, il y a tellement de bébites dans son esprit, qu'il n'est pas capable de voir la vérité, à plus forte raison, la vivre. Ça se pourrait-il, ça? Écoutez ça, là. Le gars quitte la politique à jamais pour aller étudier à Harvard pour refaire sa vie. Il revient en politique et on a l'impression qu'il a jamais, jamais été étudiant à Harvard. Il est peut-être allé acheter un cornet de crème à glace juste devant le campus. Il y a une bonne shop de crème à glace qui font également des cappuccinos frappés extraordinaires. C'est juste devant l'entrée du campus. Juste là où on arrête les autobus de tourisme. Il a peut-être été manger un cornet de crème à glace là. Mais il revient en politique alors qu'il avait quitté la politique. Il dit qu'il est allé à Harvard, il n'est pas capable de parler anglais. Il ne nous montre pas de diplôme. Et tout le monde a l'impression que André Boisclair a réussi de peine et de misère un secondaire 5. Et que c'est le seul diplôme qu'il ait en poche. Et son chef de cabinet est un cocaïnomane. Et son chef de cabinet est un fraudeur. et son chef de cabinet veut pas rembourser l'argent qu'il a fraudé, alors qu'il avait obtenu une sentence légère du tribunal, précisément parce que il était en thérapie et qu'il allait rembourser. C'est ça le Parti québécois? Je prétends pas que les gens du Parti québécois sont moins honnêtes que les gens du Parti libéral. Je pense qu'en politique, tout le monde est... C'est tout des charognes. Je peux pas voir quelqu'un membre d'un parti politique et honnête en même temps. Ça n'existe pas. En plus, il réussit, dit-il, à se faire admettre à Harvard. Puis comme dit Daniel, il revient à moins de 6 mois. Ou bien c'est le meilleur étudiant qui a jamais traversé Harvard. Ou bien il a jumpé des cours. Mais il est incapable hier de parler anglais. Les journalistes anglophones ont souvent des questions beaucoup plus difficiles à répondre que les journalistes francophones, surtout quand c'est un politicien péquiste. Mais il pouvait pas répondre en anglais. Il dit, je refuse de répondre dans une langue où je suis pas à mon aise. Il revient d'Harvard. Il a pas dû être fort. Vous rappelez-vous de la directrice du Centre des congrès de Québec, qui avait été nommée par l'incroyable Guy Chevrette, qui avait dit, ça me prend une femme. Puis la fille, elle faisait des comptes de dépenses rembourrés. Il y a des filles qui rembourrent le brassière, elle a rembourré ses comptes de dépenses. Et dans ses rembourrages de comptes de dépenses, elle avait réussi à mettre des cours d'anglais. Rappelez-vous de celle-là? Or, dans son curriculum vitae, elle affirmait être diplômée d'une université américaine. Yes. Rappelez-vous de celle-là? Bon, je m'en souviens. La madame qui a été mise à la porte du Centre des congrès, qui avait été nommée par les péquistes, et qui avait mis dans son compte de dépenses des cours d'anglais, avait aussi mis dans son CV des cours à dans des universités américaines. Regarde, chatouillez-moi, je vais décider si c'est drôle, là. Est-ce que Boisclair vient de nous faire la même chose hier? Je suis curieux. Patrice, il dit, tout le monde parle de Boisclair en disant qu'il a sniffé de la coke. Il avoue avoir consommé de la cocaïne, mais non pas sniffé. Il a jamais dit le mot cocaïne, by the way. Il est pas capable de dire cocaïne. Vous avez aucun enregistrement existant de Boisclair disant le mot cocaïne. Comme dans la cocaïne, je suis contre. Comme dans la cocaïne, c'est épouvantable. Comme dans la cocaïne, c'est criminel. Ou comme dans, j'ai pris de la cocaïne. Jamais il l'a dit. J'ai fait des erreurs de jeunesse. Enfin. Il avoue avoir consommé, non pas sniffé, juste consommé, puis tout le monde conclut qu'il a sniffé, mais personne ne lui a demandé s'il se piquait. Personne ne lui a demandé si sa coke, il la fumait sous forme de crack. Come on, les journalistes, au travail! Oh, il y a quelqu'un qui m'envoie le nom de la fille du Centre des congrès, mais c'est pas important, là. C'est l'ancienne mairesse de Saint-Romuald, celle qui marchait avec Jean-Paul Lallier pour avoir le curling olympique à Saint-Romuald. Puis qui avait rencontré Guy Chevrette lors d'un party à l'Hôtel de Ville de Québec. Puis qui avait été charmé par M. Chevrette. Lorsque notre diplômé de Harvard est incapable de répondre à une question en anglais, je sais pas quelle question son professeur lui a posée pour lui donner un diplôme ou pour lui donner une attestation d'études, enfin ce dont il se vante sur son site, là, d'être un gradué. Il dit qu'il était revenu de Harvard, diplôme en poche, dans une entrevue du 18 juin 2005 avec la presse. Et dans son site internet, il disait qu'il y avait une maîtrise, ce qui est faux. Il y a une 5e année secondaire. Il se vante d'avoir une maîtrise alors qu'il a été là 6 mois. Il est pas capable de parler anglais, à répondre en anglais à une question d'un journaliste hier. Il vient de Harvard. Alors, je me rappelle de Lucien Lessard, un autre péquiste tout croche. Lucien Lessard, c'est un Soulon. Lucien Lessard, qu'on appelait Lulu à l'Assemblée nationale, était un ivrogne. Je dis pas que c'est un alcoolique, je dis que c'était un ivrogne, un gars qui se saoulait la gueule. D'ailleurs, il a mal fini, après avoir été ministre péquiste, il est devenu directeur de CLSC. Tu sais, quand un gars consacre sa vie à des balivernes. Un jour, Lucien Lessard, qui était ministre des Transports, je crois, s'était présenté en conférence de presse, sous, complètement, sous. Et les journalistes québécois francophones, péquistes, syndicalistes, socialistes, pour pas nuire à la cause de l'indépendance, avaient traité Lucien Lessard comme s'il était malade. On avait même dit, reprenant ainsi les paroles du chef de cabinet, que M. Lessard avait la bouche molle parce qu'il venait de Lancis. Et c'est un journaliste anglophone, il me semble que c'était Ralph Nosworthy, de CTV Canal 12, qui lui avait demandé, « Sir, are you drunk? » Question qui avait évidemment mis fin à la conférence de presse. Hier, Boisclair, diplômé de Harvard, est pas capable de répondre à une question en anglais. C'est spécial. Quelques petits messages. Carole a dit, Boisclair, c'est vrai tout ça de source sûre? Je veux pas connaître la source. Car si ça continue, je deviens souverainiste. Comment peut-il suivre une thérapie en anglais si, selon vous, il parle pas anglais? Je sais pas s'il suivait une thérapie en anglais. Tout ce que je sais, c'est qu'il est disparu de la circulation. Il a dit qu'il s'en allait à Harvard. Il a dit qu'il voulait plus jamais faire de politique. Il est revenu après 6 mois. Puis là, il veut être chef du PQ. Puis que quand on le questionne en anglais, il dit qu'il est pas capable de répondre. Mettez-moi ça bout à bout, puis essayez de trouver la vérité là-dedans. Boisclair a sans doute eu une conduite répréhensible, mais il est le seul politicien qui semble avoir une certaine détermination à faire changer les choses. Bon, Yves qui écrit ça. Encore quelqu'un qui pense que les politiciens pensent ce qu'ils disent. Cibole. OK, là j'ai d'autres messages qui entrent sur d'autres sujets que j'ai besoin de vérifier. Mais j'ai quelques messages qui font quelques commentaires. Gisèle a dit, j'étais dans mon auto, puis je vous ai entendu dire que Kate Moss travaillait pour une compagnie respectable. Alors regardez donc pour qui Boisclair travaille. Au sujet des chefs de cabinet qui sont très très proches de leur ministre, et de Luc Doré, le chef de cabinet d'André Boisclair, qui a volé le gouvernement de 30 000 $, qui s'est fait pogner pour 30 000 $ à voler le gouvernement, alors qu'il était le chef de cabinet de Boisclair, et dont l'excuse pour obtenir la clémence du tribunal a été qu'il était cocaïnomane. Jacques écrit, Boisclair remonte dans les sondages. Ça confirme mes théories sur la pensée québécoise. Toute l'histoire trafiquée du Québec fait passer la population pour des victimes, victimes des Anglais. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent que les Québécois ont plus souvent été victimes de leur père, le clergé, l'abandon de la mère patrie. Ce sentiment est encore plus fort chez les séparatistes qui croient que les méchants Anglais s'endorment en les haïssant. Donc, Boisclair a réagi en victime. Exagération, hier, il parle d'agression physique. What a wimp. Et refus de répondre aux questions en anglais. Pas fort pour un étudiant de Harvard. Et les nouilles de Québécois ont aimé ça. Michel dit, si c'était un membre du Parti libéral du Québec qui avait avoué avoir pris de la coke, je suis pas certain que nous aurions vu tous ces reportages et ces éditoriaux qui nous disent que la cocaïne, c'est pas grave. De plus, on l'aurait suivi à la trace, comme on le fait présentement avec Boisclair, et on ne parlerait sûrement pas d'acharnement journalistique. Rappelez-vous l'incident Jean Charest et Elsie Lefebvre, la petite chienne. Ça a roulé pendant des jours, et personne n'a trouvé qu'on en parlait trop. Finalement, c'est drôle d'entendre Boisclair nous dire qu'il n'est pas à l'aise en anglais, alors qu'il est allé à Harvard. Luc, il dit, le pire dans l'affaire Boisclair, c'est que le premier ministre, c'est si il est premier ministre un jour, la première dame du Québec pourrait être Danny Turcotte. Probablement que votre erreur entre Boisclair et Bouclair vient du fait que Boisclair fait dans la dentelle. Prochaine étape de menterie, il a sniffé, mais il n'a pas avalé. Jocelyn écrit, je peux vous dire que le passage de Boisclair au ministère de l'Environnement n'a laissé personne indifférent. C'est un incompétent, un vrai incompétent. Ces lois irrationnelles sur l'application des fumiers sur les terres agricoles ont causé une augmentation vertigineuse du prix des terres. Les méga-porcheries se sont mises à acheter à prix d'or des terres pour pouvoir répandre la merde. Il fallait plutôt couper les subventions à ces complexes porcins qui bénéficient d'économies d'échelle. Fin de l'assurance stabilisation pour eux. Ça aurait réduit leur développement. Il fallait aussi favoriser les techniques de compostage et des techniques agricoles plus écologiques. Comme le PQ fonctionne comme une secte fermée, on pardonne l'impardonnable à celui qui a péché en autant qu'il ne renie pas le dogme de l'indépendance. Pas plus que les problèmes de dépendance ne sont impardonnables, j'ai plutôt un problème avec la proximité du crime organisé. À ce que je sache, c'est encore la mafia qui fait ce commerce. Commerce de quoi? Le commerce de la cocaïne. évidemment, TVA, avec Claude Charron, est arrivé avec un sondage très bidon hier en disant que 71% des Québécois veulent Boisclair comme premier ministre du Québec et chef du Parti québécois. Croyez-vous ça, vous? Vous croyez-vous ça que le fait d'avoir été décrit comme un menteur et qu'on apprenne maintenant que son propre chef de cabinet est un fraudeur pendant que lui était ministre, que ça, ça fait de lui un gars qui va faire l'indépendance du Québec? Claude, il dit tout le monde debout. C'est l'hymne national. OK, question de... Il signe HC. Comment cet individu peut-il être admis à une maîtrise dans une université de prestige alors qu'il ne possédait qu'un secondaire 5? Deux petites choses là-dessus. D'abord, il y a ceci. Sur son blog, André Boisclair écrit « Je regrette d'avoir négligé mon blog dans ma période d'examen. J'ai cependant bien réussi. Jeudi prochain, je serai à Boston pour recevoir mon diplôme de maîtrise. Je suis particulièrement fier. Ces dernières semaines ont été intenses. Examen, travaux. » Ça, c'est dans un blog qu'il publie pour se mettre en évidence. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous allez à l'Assemblée nationale pour voir la biographie des membres de l'Assemblée nationale telle que préparée par eux-mêmes ou leur personnel. Dans le cas d'André Boisclair, on dit qu'il est né à Montréal le 14 avril 66, qu'il est le fils de Marc-André Boisclair, financier, et d'Hélène Viau, qu'il a étudié au collège Jean de Brébeuf de 83 à 86, et qu'il a étudié à l'Université de Montréal en sciences économiques de 86 à 88. Il a étudié. Moi, je dis que j'ai étudié en sciences politiques. Vous savez pourquoi? J'ai pas de diplôme. Je suis allé faire de la radio, puis je suis resté à la radio. Parce que la radio, c'était plus le fun. Mais je dirai jamais que j'ai... Si je parle de mon... J'ai pas de diplôme. Là, on dit qu'il a fait du syndicalisme étudiant, qu'il a fondé le groupe Engage, groupe conseil spécialisé dans le démarrage de micro-entreprises, sauf qu'on n'est pas capable de citer une seule micro-entreprise qu'il avait démarrée avant de donner des conseils aux autres. Et là, on parle de sa carrière de politicien. À aucun endroit dans la page, on ne parle de Harvard. Pas un mot! Si vous aviez une maîtrise de Harvard, vous, patin, je me gargariserais avec ça tous les matins. Il a une maîtrise de Harvard, dit-il. Il est allé chercher son diplôme de maîtrise. Il n'est pas capable de répondre à une question en anglais. Il a fait ça en 6 mois. Il a été chercher une maîtrise à Harvard. Il n'y avait pas de diplôme universitaire avant. Il a peut-être un diplôme de cégep, là. Peut-être. C'est pas évident. Coudonc, on a-t-il affaire à un simulateur? À un menteur chronique? Supposons qu'au lieu de vouloir être chef du Parti québécois, il voulait juste être vice-président d'une compagnie. Je sais pas, pour moi, Bel Canada, n'importe quoi. Puis il dirait qu'il a déjà pris de la cocaïne. Pensez-vous qu'il y aurait un job? Posez-vous la question comme faut, là, tranquillement. Ça, c'est les mêmes gnochons que quand TVA les appelle. Ils disent, mais c'est pas grave, il a arrêté, ça fait longtemps. C'est un crime, acheter de la cocaïne. C'est un crime, avoir de la cocaïne. C'est un crime, prendre de la cocaïne. Puis c'est un crime de pas révéler les choses. Mais en plus, son chef de cabinet est tellement cocaïnomane qu'il fraude le gouvernement pour acheter sa poudre. Est-ce que la fraude du chef de cabinet a servi aussi à acheter de la poudre pour le ministre? Tout est possible. Mais un gars qui me dit qu'il est allé se chercher une maîtrise à Harvard, mais qui n'est pas capable de répondre à une question en anglais, c'est un menteur. Ou bien c'est un menteur au sujet de Harvard, ou bien c'est un menteur au sujet de la question. Mais à une des deux places, il ment. Ce serait le fun si on avait des vrais journaux, hein.